Hortense, fascinée par le prétendu amoureux de sa cousine, va avec son père chez un antiquaire. Elle y achète une grande sculpture de Venceslas et le rencontre. Ils tombent amoureux l'un de l'autre. Hortense prévient ses parents qu'elle veut épouser le jeune sculpteur. Ce coup de foudre de leur fille les arrange, car ce mariage résoudra le problème de la dot de la jeune fille. Venceslas commence à aller régulièrement chez les Hulot en le cachant à Bête. Et, grâce à l'influence dans le monde du baron Hulot, il connaît un certain succès. Hulot est quitté par sa maîtresse Josepha. Il décide alors de séduire Valérie Marneff, la bourgeoise voisine de Bête. La jeune femme, très rusée, exige de son amoureux transi de nombreux privilèges avant de lui accorder ses faveurs. En effet, Hulot est le supérieur hiérarchique de son mari et peut lui faire obtenir une promotion à la fois financière et professionnelle. Le pauvre baron, employé de stratagème pour offrir une bagatelle, fort chère d'ailleurs, en s'applaudissant de rencontrer enfin une vertu, de trouver la réalisation de ses rêves. Dans le ménage, Marneff, le baron était aussi Dieu que chez lui. Monsieur Marneff paraissait être à 100 lieues de croire que le Jupiter de son ministère eut l'intention de descendre en pluie d'or chez sa femme, et il se faisait le valet de son auguste chef. Madame Marneff, âgée de 23 ans, bourgeoise pure et timorée, fleur cachée dans la rue du Doyenné, devait ignorer les dépravations et la démoralisation courtisanesque qui maintenant causait d'affreux dégoûts au baron, car il n'avait pas encore connu les charmes de la vertu qui combat, et la craintive Valérie les lui faisait savourer. Une fois la question ainsi posée entre Hector Hulot et Valérie, personne ne se donnera d'apprendre que Valérie ait su d'Hector le secret du prochain mariage du grand artiste Steinbock avec Hortense. Entre un amant sans droit et une femme qui ne se décide pas facilement à devenir une maîtresse, il se passe des luttes orales et morales où la parole trahit souvent la pensée. Le baron avait donc laissé entrevoir toute la liberté d'action que le mariage de sa fille lui donnerait pour répondre à l'aimante Valérie, qui s'était plus d'une fois écriée « Je ne crois pas qu'on fasse une faute pour un homme qui ne serait pas tout à nous. » Déjà, le baron avait mille fois juré que, depuis 25 ans, tout était fini entre Madame Hulot et lui. « On l'a dit si belle, répliquait Madame Marneff, je veux des preuves. »« Vous en aurez, dit le baron, heureux de ce vouloir par lequel sa Valérie se compromettait. »« Et comment ? Il faudrait ne jamais me quitter, avait répondu Valérie. » Hector avait alors été forcé de révéler ses projets en exécution, rue Vaneau, pour démontrer à sa Valérie qu'il songeait à lui donner cette moitié de la vie qui appartient à une femme légitime, en supposant que le jour et la nuit partagent également l'existence des gens civilisés. Il parla de quitter décemment sa femme en la laissant seule une fois que sa fille serait mariée. La baronne passerait alors tout son temps chez Hortense et chez les jeunes Hulot. Il était sûr de l'obéissance de sa femme. « Dès lors, mon petit ange, ma véritable vie, mon vrai ménage sera rue Vaneau. »« Mon Dieu, comme vous disposez de moi, » dit alors Madame Marneff. « Et mon mari ?»« Cette guenille ?»« Le fait est qu'auprès de vous, c'est cela, » répondit-elle en riant.